Exercice 1, page 47. A. Mieux. B. Prêt. C. T. D. Je. E. Pleut. F. Ré. G. Feutre. H. Queue.